Chapitre 25. Sir Roger meurt. Le docteur Thorne passa encore la nuit à Boxall Hill, ainsi que la suivante, et prit enfin l'habitude d'y coucher pendant les derniers jours de la vie de Sir Roger. Il retournait journellement à Greshamsbury pour voir ses autres malades, au nombre desquels se trouvait alors Lady Arabella. Il avait donc beaucoup à faire, vu que ses nuits n'étaient nullement consacrées au repos. Monsieur Fairchild ne s'était pas trompé de beaucoup sur le nombre de jours que Sir Roger avait encore à vivre. Le docteur Thorne avait espéré que la constitution vraiment extraordinaire de son malade lui permettrait de lutter un peu plus longtemps contre la mort, mais Sir Roger s'y refusa lui-même. Toutes les fois qu'il se sentait assez de force pour faire acte d'autorité, il exigeait un mélange d'eau-de-vie dans ses potions et il n'y réussissait que trop souvent en l'absence du médecin. « Cela n'y fera plus grand-chose, » avait dit le docteur à Lady Scatcherd. « Faites en sorte qu'il en ait aussi peu que possible, mais ne l'irritez pas en refusant de lui obéir. » Lady Scatcherd mêlait donc de l'eau-de-vie aux potions, et chaque jour, Sir Roger inventait quelque excuse pour augmenter la dose tout en riant de ses supercheries. Pendant sa dernière maladie, Sir Roger essaya deux ou trois fois de parler sérieusement à son fils, mais Louis frustra toujours son espoir. Où il quittait la chambre sous un prétexte quelconque, où il priait sa mère d'imposer silence au malade, prétendant qu'une longue conversation lui serait funeste. Il connaissait à peu près le contenu du testament de Sir Roger et n'en était nullement satisfait, surtout de l'article qui reculait sa majorité jusqu'à 25 ans. Mais comme il ne pouvait espérer d'en changer les dispositions, il jugeait que toute conversation sérieuse avec son père ne pouvait être d'aucune utilité pour lui. « Louis, » dit un jour Sir Roger à son fils, « je n'ai pas fait pour vous ce que j'aurais dû faire, je le vois maintenant. »« Oh ben, mon père, ne vous en inquiétez pas, je saurais bien me tirer d'affaire. D'ailleurs, il n'est pas trop tard. Si vous voulez, vous pouvez mettre 23 ans au lieu de 25. »« Il ne s'agit pas de cela, Louis. Il y a d'autres choses plus importantes encore auxquelles un père doit songer. »« Allons, père, ne vous tourmentez pas. »« C'est cette maudite eau de vie, Louis. Voilà ce que je redoute. » « Voyez dans quel état je suis. »« Ne vous tourmentez donc pas, mon père. Je suis parfaitement bien portant, et quant à vous, d'ici un mois, vous serez entièrement remis. »« Je ne quitterai ce lit que pour être couché dans mon cercueil, Louis. Mais ce n'est pas à moi que je pense, mon enfant. C'est à vous, et au sort qui vous attend si vous ne savez résister à cette maudite habitude. »« Je me porte à merveille, mon père, je ne bois que très rarement. »« Louis, Louis !»« Allons, père, du courage !» « Ce sujet n'est pas propre à vous remettre. Où est donc ma mère? Elle devrait être ici avec votre bouillon. Je vais la chercher. » Le père comprit toute l'étendue de son malheur. Il vit qu'il était inutile de chercher à toucher le cœur ou la conscience de son fils. Que pouvait-il faire pour lui désormais, sinon mourir et le laisser mettre de satisfaire ses tristes penchants? Sir Roger abandonna la main de Louis, qui ne fit aucune résistance, et tandis que le jeune homme se glissait hors de la chambre, son père se tourna du côté du mur et se livra à de douloureuses réflexions. Que de souvenirs, que de remords poignants pour lui. Oh, combien il eût été plus heureux s'il fût resté simple ouvrier maçon toute sa vie. Les larmes qui s'échappèrent alors de ses yeux étaient les larmes les plus amères qu'un homme puisse répandre. Mais pendant que ces larmes venaient mouiller sa couche, une notice sur sa vie était en voie de rédaction. Elle était même presque achevée, car il avait vécu 4 jours de plus qu'on ne l'avait présumé. L'auteur avait donc eu tout le temps de compléter son travail. De nos jours, un homme n'est compté pour rien si sa biographie n'est pas prête à paraître dans les journaux dès le lendemain matin de sa mort. La biographie de Sir Roger avançait donc rapidement. L'auteur disait comment pour lui l'industrie et le génie avaient triomphé d'une éducation négligée, comment il s'était fait un nom parmi les grands hommes de son pays, comment la reine s'était plu à l'élever au rang de baronnet, et combien la noblesse avait été heureuse de le recevoir chez elle à titre d'hôte. Puis venait la liste de tous les grands travaux qu'il avait accomplis, des chemins de fer, des canaux, des bassins, des ports, des prisons et des hôpitaux qu'il avait construits. Il était offert en exemple aux classes ouvrières, et l'on parlait de lui comme d'un homme qui avait toujours vécu heureux et qui était mort de même. Toujours heureux, ajoutait son biographe, parce qu'il fut toujours actif. C'est ainsi qu'une grande leçon de morale était tirée de cette biographie. Un paragraphe était consacré à la courte carrière parlementaire de Sir Roger, et le pauvre M. Romer s'y voyait encore accusé pour la 30e fois au moins, d'avoir privé nos conseils législatifs des lumières de Sir Roger. « Sir Roger Scatcherd, disait l'auteur en terminant, avait un tempérament de fer, mais le fer lui-même cède aux coups répétés du marteau. Pendant les dernières années de sa vie, il s'est fatigué outre mesure, et le corps a fini par se ressentir de l'excès de travail. Quoique l'esprit ait conservé toute sa vigueur jusqu'au dernier moment, Sir Roger n'avait que 59 ans quand la mort est venue nous l'enlever. C'était grand dommage qu'on ne pût envoyer à Sir Roger une épreuve de sa biographie, car personne n'était plus fier de sa réputation et il aurait été heureux de savoir que la postérité parlerait de lui en ces termes. Sir Roger n'essaya plus de donner des conseils à son fils. Le vieux lion sentait qu'il était déjà au pouvoir du lionceau, mais le docteur Thorne lui témoignait plus d'attention et de bienveillance. Ce fut lui qu'il résolut d'entretenir de ses affaires et de ses espérances terrestres. C'était pendant la nuit que le malade se montrait le plus disposé à causer, et c'était aussi alors qu'il en était le plus capable. Il restait toute la journée dans un état de somnolence dont il ne sortait que vers le soir. À minuit, il reprenait toute son énergie. Une nuit qu'il se laissait aller à ses tristes réflexions, il épancha enfin ses peines dans le sein de son ami. « Thorne, lui dit-il, je vous ai parlé de mon testament. »« Oui, répondit le docteur, et je me suis beaucoup blâmé de ne pas vous avoir pressé d'en changer les dispositions. » « Votre maladie nous a pris à l'improviste, Scatcherd, et je n'ai plus osé vous en parler. »« Pourquoi le changerais-je? Je ne pourrais en faire un meilleur. J'ai cependant changé quelque chose le jour même après vous en avoir parlé. »« Avez-vous nommé définitivement votre héritier à défaut de Louis ?»« Non, c'est-à-dire oui. Je l'avais déjà nommé avant. C'est l'aîné des enfants de Mary. Je n'ai rien changé à cela. »« Mais il faut le changer, Scatcherd. Il faut, mais moi je ne le veux pas. » J'ai ajouté un post-scriptum, ou un codicille, comme on dit, dans lequel je déclare que vous seul, et vous seul, vous connaissez cet enfant. Winterbones et Jack Martin m'ont servi de témoin. Le docteur Thorne allait essayer de lui représenter combien un pareil arrangement était peu judicieux, mais Sir Roger ne voulut pas l'écouter. Ce n'était pas de ce sujet qu'il désirait l'entretenir. Peu lui importait, à qui passerait sa fortune si son fils venait à mourir avant 3 ou 4 ans. Ce qui le préoccupait, c'était le bonheur de ce fils. À 25 ans, Louis serait libre de laisser sa fortune à qui bon lui semblerait. Sir Roger ne pouvait se persuader que son fils le suivrait de si près dans la tombe. « Mettons ce sujet de côté, docteur, et parlons de Louis. Vous savez que vous êtes son tuteur. »« Non, pas son tuteur, puisqu'il est majeur. Mais vous le serez. Vous savez bien que ma fortune ne lui appartiendra que lorsqu'il aura 25 ans. Vous ne l'abandonnerez donc pas. »« Non, certes. » Mais je doute de pouvoir lui être utile à quelque chose. Que puis-je faire, Scatcherd ? User de toute l'influence qu'un homme fort peut exercer sur un homme faible. User du pouvoir que vous donne mon testament. Faites pour lui ce que vous feriez pour votre propre fils, si vous le voyez suivre une mauvaise route. Faites ce qu'un ami fait pour un ami défunt. Je ferais de même pour vous, docteur, si j'étais à votre place. Tout ce qui sera en mon pouvoir de faire pour lui, je le ferai. Dit le docteur d'un ton solennel en étreignant la main de Sir Roger. « Je le sais, je le sais. Ah, docteur, puissiez-vous ne jamais éprouver ce que j'éprouve. Puissiez-vous, à votre lit de mort, n'avoir pas d'inquiétude pour ceux que vous laisserez derrière vous. » Que pouvait répondre le docteur à ce malheureux père? Le sort de Sir Louis, il ne pouvait se le dissimuler, était loin d'être digne d'envie. Que pouvait-on attendre d'une vie comme la sienne? Et cependant, il se voyait appelé à comparer l'avenir de ce jeune homme avec celui de sa nièce chérie. À mettre en contraste tout ce qu'il y avait de plus indigne, de plus abject, avec ce qu'il y avait de plus parfait, car pour lui, Mary était presque parfaite. À comparer Louis Scatcherd à l'ange, qui faisait la joie de son foyer. Comment répondre à un pareil appel? Il garda donc le silence, et se contenta de presser la main de Sir Roger comme pour lui faire comprendre qu'il ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour se conformer à ses désirs. Sir Roger le regarda tristement, mais il attendit en vain une parole de consolation. « Louis dépendra beaucoup de vous pendant 3 ou 4 ans, » dit-il enfin. « Je ferai tout ce que je pourrai, Scatcherd, mais Louis n'est plus un enfant. À son âge, il doit savoir ce qu'il fait. La meilleure chose pour lui serait de se marier. » « Précisément, Thorne, c'est là que je voulais en venir. S'il voulait se marier, je crois que tout irait pour le mieux, et dans ce cas, vous le laisseriez disposer à son gré de son revenu. »« je me conformerai en tout à vos désirs. Marié ou non marié, il me semble que le revenu que vous lui avez laissé est parfaitement suffisant. Il est vrai, Thorne, mais je voudrais qu'il puisse faire figure dans le monde tout comme un autre. Pourquoi ai-je amassé de l'argent si ce n'est pour cela? Or, s'il se marie et qu'il épouse une femme qui l'aide à faire son chemin dans le monde, donnez-lui ce qu'il voudra. Ce n'est pas pour économiser l'argent que je l'ai placé entre vos mains. Non, Scatcherd, mais c'est pour le sauver. Je pense que vous feriez bien de lui conseiller de se marier. Il ne se soucie plus de ce que je lui dis. Et pourquoi en serait-il autrement? Comment puis-je lui prêcher la sobriété, moi qui n'ai jamais été sobre? Voilà le mal, voilà ce qui me tue. Lui donner des conseils, mais quand je lui parle, il me traite comme si j'étais un enfant. Il craint que vous ne soyez trop faible. Il pense qu'on ne devrait pas vous permettre de parler. Allons donc. Il sait parfaitement à quoi s'en tenir, et vous aussi. Trop faible, qu'est-ce que cela signifie? Ne donnerai-je pas toute la force qui me reste pour pouvoir lui ouvrir les yeux et lui faire comprendre sa position? Et le malade se souleva sur son lit, comme s'il eût voulu réaliser ce qu'il venait de dire et dépenser en un seul moment tout ce qui lui restait d'énergie. « Doucement, Scatcherd, doucement. Il vous écoutera, j'en suis sûr, mais soyez plus calme. Vous voyez cette bouteille là-bas, Thorne? Donnez-moi un demi-verre d'eau-de-vie. » Le docteur parut hésiter. « Voyons, docteur, vous savez bien que cela ne peut plus me faire de mal maintenant. Ainsi, à quoi bon me tourmenter? Je n'en ai pas l'intention. » Seulement nous y ajouterons un peu d'eau. De l'eau, non, non, je veux de l'eau de vie pure. Je ne puis parler sans cela. À quoi sert tout ce verbiage? Vous savez bien que cela ne peut plus rien faire. Sir Roger disait vrai. Les effets de l'alcool étaient désormais impuissants sur lui. Le docteur lui donna donc un demi-verre d'eau de vie. Vous êtes bien chiche, docteur. Vous ne mesurez pas aussi parcimonieusement vos drogues. Oui, mais vous savez qu'il vous en faudra encore d'ici au matin. D'ici au matin? « Certainement une pinte au moins. Je me rappelle le temps où j'en buvais facilement plus de deux avant mon déjeuner et où je n'en travaillais pas moins toute la journée. »« Vous avez été un homme extraordinairement fort, Scatcherd. »« Oui, mais tout cela est fini. Que disais-je donc? Ah, je parlais de Louis. Vous ne l'abandonnerez pas, n'est-ce pas, docteur? »« Non, assurément. »« Il n'est pas fort, je le sais. Comment pourrait-il l'être après la vie qu'il a menée ?» Ce n'est pas que cela m'ait jamais rien fait à moi quand j'avais son âge. Vous aviez l'avantage du travail manuel. Oui, voilà. Je me suis pris quelquefois à souhaiter que Louis n'eût pas un denier et qu'il fût obligé de travailler la pierre comme je l'ai fait. Mais il est trop tard pour y penser. Si seulement il voulait se marier, docteur. En effet, rien au monde, selon moi, ne serait plus propre à réformer ses habitudes et je vous engage encore à le lui conseiller. Je voudrais vous dire, Thorne. Et après une courte pause, Sir Roger continua. « Je ne vous ai pas encore dit la moitié de ce qui me préoccupe, et j'ai presque peur de vous le dire, quoique je n'en vois pas la raison. « Je ne vous ai jamais connu aussi timide, » dit le docteur en souriant. « Eh bien, je ne veux pas le devenir au dernier moment. Voyons, docteur, dites-moi la vérité. Qu'attendez-vous que je fasse pour cette jeune fille, l'enfant de Mary ?» Et comme le docteur ne se hâtait pas de lui répondre, il ajouta « « Vous savez que vous m'avez empêché de la boire, et cependant c'est ma nièce aussi bien que la vôtre. »« Rien, » dit enfin le docteur d'une voix lente et grave. « Je n'ai pas voulu vous permettre de la voir, je ne m'attends donc à rien. Elle aura tout, cependant, si mon pauvre Louis vient à mourir. Si c'est ainsi que vous l'entendez, vous devriez la nommer catégoriquement dans votre testament. Ce n'est pas que je vous le demande, ni que je le désire. Dieu merci, Mary peut se passer d'une grande fortune. » Thorne. « Je la nommerai, mais à une condition, que les deux cousins se marient, que Louis épouse la fille de ma pauvre sœur. » Le docteur resta un moment abasourdi. Pour rien au monde, il n'eût donné sa nièce chérie à ce jeune homme dissolu, alors même que cela eût été en son pouvoir. Mais cette nièce, toute jeune qu'elle était, avait une volonté à elle en pareille matière, il le savait. Était-il une alliance plus impossible que celle de Mary Thorne et de Louis Scatcherd? Je changerai mon testament, si vous voulez me donner votre parole, que vous contribuerez de toute votre influence à ce mariage. Toute ma fortune appartiendra à Louis du jour qu'il l'épousera, et s'il mourait avant son mariage, elle hériterait de tous nos biens. Dites donc un mot, Thorne, et elle viendra ici. Je pourrai la voir avant de mourir. Pour toute réponse, le docteur secoua la tête. Pourquoi non, Thorne? Mon ami, c'est impossible. Pourquoi impossible? Je ne puis disposer ni de sa main ni de son cœur. Ils ne m'appartiennent pas. Alors laissez-la venir ici. Quoi, Sketchard? La faire venir ici pour que votre fils lui fasse la cour pendant que vous êtes dangereusement malade? Lui dire de venir chercher ici un mari et une fortune, cela serait-il convenable? Non, ce n'est pas ainsi que je l'entends. Faites-la tout simplement venir afin que je puisse la voir, et je me fierai à vous pour le reste, si vous me promettez d'employer votre influence pour faire réussir ce mariage. Mais, mon ami, je ne puis rien faire dans un cas semblable, et à dire vrai, la chose est impossible. Je sais, que savez-vous? Dit le baronnet en se tournant vers lui presque avec colère. Que savez-vous qui puisse vous porter à dire que cela est impossible? Votre nièce est-elle donc une perle de si grand prix qu'on ne puisse l'obtenir? Oui, c'est une perle de grand prix. Croyez-moi, docteur, avec de l'argent, on peut toujours se procurer de pareilles perles. C'est possible, je m'y entends fort peu. Mais quant à celle-là, je sais qu'on ne l'obtiendra pas avec de l'argent. Croyez-moi, parlons d'autre chose, Scatcherd. Il est inutile de penser à cela. Naturellement, si vous vous y opposez. Vous avez donc une bien pauvre opinion de Louis, si vous croyez qu'une femme ne puisse l'aimer. Je n'ai pas dit cela, Scatcherd. Avoir 10 000 livres sterling de rente et être la femme d'un baronnet? Mais qu'espérez-vous donc pour cette jeune fille? Peu de choses en vérité, un cœur tranquille et un intérieur paisible, pas davantage. Thorn, si vous le voulez bien, elle sera la femme la plus enviée du comté. Mon ami, mon pauvre ami, pourquoi me tourmenter ainsi et vous agiter de la sorte? Je vous ai dit que c'est impossible. Ils ne se sont jamais vus. Il ne peut y avoir rien de commun entre eux. Leurs goûts, leurs désirs, leurs habitudes sont totalement opposés. D'ailleurs, Scatcherd, les mariages ainsi arrangés ne sont jamais heureux. Croyez-moi, c'est impossible. Le baronnet se rejeta en arrière sur ses coussins et resta 10 minutes environ dans une immobilité si complète que le docteur le crut endormi. Harassé de fatigue, il se disposait à se retirer sans bruit lorsque Sir Roger s'écria d'un ton presque véhément « Vous ne voulez donc pas faire cela pour moi ?»« Ce n'est ni à vous ni à moi de nous mêler de ces choses, Scatcherd. Laissons-les à ceux qu'elles concernent particulièrement. Vous ne voulez pas même m'aider ?»« Pas en cela, Scatcherd. » »« Alors je jure qu'elle n'aura pas un shilling de moi. Donnez-moi de l'eau de vie, » ajouta-t-il en montrant la bouteille. Le docteur en versa un peu dans un verre et le lui présenta. « Remplissez le verre, remplissez-le, dis-je. Je ne supporterai plus toutes ces simagrées. Je veux être maître chez moi jusqu'à la fin. Donnez-moi la bouteille, vous dis-je. 10 000 démons me déchirent les entrailles. Vous, vous seul, auriez pu me consoler. Vous ne l'avez pas voulu. Remplissez le verre, vous dis-je. Je vous tuerais si je le faisais. Me tuer, me tuer, vous répétez toujours la même chose. Croyez-vous donc que j'ai peur de mourir? Croyez-vous que je ne sache pas que la mort approche? Donnez-moi l'eau de vie, vous dis-je, ou j'irai la chercher moi-même. Non, Scatcherd, je ne vous en donnerai pas davantage. Vous rappelez-vous ce que vous avez fait ce matin? Le pasteur de la paroisse lui avait administré la communion le matin même. Vous ne voudriez pas que je me rendisse coupable d'un meurtre? Baliberne, vous ne savez dire autre chose. L'habitude est une seconde nature. D'ailleurs, vous savez bien que j'en aurai dès que vous aurez tourné le dos. En voilà assez, donnez-moi cette bouteille. Et Sir Roger essaya, mais en vain, de se lever. « Arrêtez, Scatcherd, je vais vous en donner. Il est possible que l'habitude soit une seconde nature. » Sir Roger avait avalé sans y penser la petite quantité d'eau-de-vie que le docteur lui avait déjà versée, et il tenait encore son verre vide. Le docteur le lui remplit cette fois presque jusqu'au bord. « Allons, Thorn, une rasade, une bonne rasade pour cette fois. Quel avare vous faites. Ce n'est pas moi qui vous traiterai ainsi. Voyons. » « Voyons, vous ne pourriez pas le tenir s'il était plus plein, Scatcherd. Tâtez, j'ai la main solide comme un roc quand il s'agit de tenir un verre plein. » Et il avala d'un trait le contenu du verre. « Je suis mieux maintenant. Ah, que j'aime une bonne rasade. Ah. » Il y avait quelque chose d'affreux, de repoussant même, dans la vibration gutturale de sa voix. Les sons sortaient de son gosier comme s'ils eussent été, pour ainsi dire, imprégnés d'eau-de-vie. Ils ne révélaient que trop clairement les ravages que l'alcool avait faits dans ce corps jadis si robuste. Ses yeux brillaient d'un éclat fauve qui formait un étrange contraste avec ses joues creuses, sa mâchoire pendante, sa barbe négligée et son visage livide. Lorsqu'il était supporté par des oreillers, il tremblait comme une feuille et cependant il se vantait de pouvoir porter d'une main ferme son verre à ses lèvres. tel était le héros dont le complaisant biographe venait de tracer un portrait si véridique. Sir Roger resta quelques instants immobile après avoir bu l'eau-de-vie, le regard fixe comme un homme insensible à tout ce qui l'entoure, et enseveli dans le souvenir d'un passé déjà bien loin. « Voulez-vous que je vous laisse et que je vous envoie Lady Scatcherd ?» lui demanda le docteur. « Attendez un instant, docteur, un instant seulement. Ainsi, vous ne voulez rien faire pour Louis ?»« Je ferai au contraire tout ce qui sera en mon pouvoir de faire pour lui. »« Ah oui, tout excepté ce qu'il sauverait. » »« Allons, je ne vous en parlerai plus, mais souvenez-vous d'une chose, Thorne. C'est que demain, je changerai les dispositions de mon testament. »« Vous ferez bien, car de toute manière, vous pouvez en faire un meilleur. Et si vous m'en croyez, vous ferez venir votre notaire de Londres. Si vous voulez que je lui envoie un message, il serait ici avant demain soir. Merci, Thorne. Je puis arranger mes affaires moi-même. Maintenant, laissez-moi. Mais rappelez-vous que vous avez détruit l'avenir de votre nièce. » Le docteur se retira dans sa chambre, l'esprit péniblement préoccupé. Il ne pouvait se dissimuler qu'il avait presque, en dépit de lui-même, nourri l'espoir que l'avenir de sa nièce serait plus brillant, sinon plus heureux, s'il héritait d'une partie, quelque mince qu'elle fût, de l'immense fortune de Sir Roger. Cet espoir, si on pouvait lui donner ce nom, était maintenant anéanti, mais ce n'était pas là ce qui le préoccupait le plus. Il était convaincu qu'il avait rempli son devoir en rejetant toute proposition de mariage entre Mary et son cousin, non moins convaincu qu'aucune considération humaine ne pourrait engager Mary à épouser un homme comme Louis. Mais jusqu'à quel point avait-il eu raison en s'opposant à ce que la jeune fille vît son oncle? Avait-il bien le droit de la priver ainsi de son héritage, et cela dans la crainte égoïste de voir sa nièce réclamée par d'autres parents que lui? Il avait cru bien faire en rejetant la fortune pour elle, mais il n'avait pas plutôt pris ce parti qu'il avait commencé à réfléchir aux avantages immenses que cette fortune aurait pu procurer à Mary. Aussi fut-il vivement ému lorsqu'il s'entendait dire par Sir Roger qu'il avait ruiné l'avenir de sa nièce. Le lendemain matin, après avoir visité son malade et s'être assuré que la mort approchait à grands pas, il retourna à Greshamsbury. « Combien de temps cela va-t-il encore durer, mon oncle ?» dit tristement Mary, comme il se préparait à repartir pour Boxall Hill. « Pas longtemps, mon enfant. Son fils est-il avec lui ?» Il se mit à faire, on ne peut plus mal à propos, plusieurs questions relativement au jeune homme. « Croyez-vous qu'il se mariera, mon oncle ?»« Je l'espère, mon enfant. »« Sera-t-il vraiment si riche ?»« Oui, un jour il sera très riche. »« Il héritera du titre de baronnet ?»« Oui, mon enfant. »« À quoi ressemble-t-il, mon oncle ?»« À quoi il ressemble ?»« Je ne sais jamais à quoi un jeune homme ressemble. »« Il ressemble à un homme qui a des cheveux roux. »« Mon oncle, les descriptions ne sont pas votre fait. »« Si je l'avais vu pendant 5 minutes seulement, je suis sûr que je pourrais faire son portrait. »« Mais vous ?» Je suppose que si vous aviez à faire la description d'un chien, vous vous contenteriez de dire de quelle couleur est sa robe. Eh bien, c'est un petit homme. Justement comme je dirais que Mrs. Humbleby a un petit chien au poil roux. Je voudrais avoir connu les Scatcherd, mon oncle, car j'ai une grande admiration pour les gens qui savent faire leur chemin dans le monde. J'aurais bien voulu connaître Sir Roger. Ce n'est plus possible maintenant, Mary. Je le suppose. Je plains le pauvre homme. Lady Scatcherd est-elle aimable? Vous êtes une excellente femme. J'espère faire connaissance avec elle un jour. Vous leur faites tant de visites à présent, mon oncle? Leur avez-vous jamais parlé de moi? Si vous en avez l'occasion, dites à Lady Scatcherd de toute la part que je prends à son affliction. La nuit suivante, le docteur se trouva de nouveau seul avec Sir Roger. Celui-ci était plus calme que la veille. Il ne parla ni de son testament, ni de Mary Thorne. Mais le docteur savait que Winterbones et un clerc de notaire de Barchester avaient passé une grande partie de la journée dans la chambre du malade. Comme il savait aussi que Sir Roger avait coutume d'employer de pareils hommes pour régler ses affaires les plus importantes, il ne douta pas que le testament n'eût été entièrement modifié. « Louis est assez intelligent, dit Sir Roger. Assez entendu, veux-je dire. Il ne dilapidera pas sa fortune. Oui, il a des capacités, dit le docteur. Et d'excellentes, reprit le père. Il ne pourrait que réussir s'il voulait seulement s'abstenir de ceci. Et il prit un verre vide qui était placé à sa portée. Quel avenir il aurait devant lui! Et dire qu'il le détruit pour cela. En disant ces mots, il lança le verre de l'autre côté de la chambre. Oh, docteur, si tout était à recommencer! C'est le désir que nous faisons tous, Scatcherd. Non, pas vous, Thorne. Vous n'avez pas un denier, et cependant vous ne regrettez rien. J'ai à peu près un demi-million de livres sterling, et je regrette tout, tout, tout. » Il ne devrait pas en être ainsi, Scatcherd. Ne disiez-vous pas hier au pasteur que vous aviez l'esprit tranquille ? Naturellement, oui, je le lui ai dit. Pouvais-je faire autrement quand il me le demandait ? Ce n'eût pas été poli de lui dire que son temps et ses paroles étaient perdus. Mais croyez-moi, Thorne, quand un homme a le cœur profondément attristé, ce ne sont pas les paroles qu'un ministre vient lui adresser au dernier moment qui peuvent le consoler. Que Dieu ait compassion de vous, mon pauvre ami. Si vous pensez à Dieu, si vous l'invoquez, il aura pitié de vous. Eh bien, j'essaierai, docteur, mais je donnerai beaucoup pour que tout fût à recommencer. Vous veillerez un peu sur ma pauvre vieille, n'est-ce pas, en souvenir de moi? Comment, Lady Scatcherd? Au diable, la lady! Si quelque chose me met en colère, c'est bien ce mot-là, elle, une lady. Quand je sortis de prison, la pauvre créature avait à peine des souliers à ses pieds. Mais ce n'est pas sa faute, Thorne. Elle n'a rien fait pour cela. Elle n'a jamais souhaité d'être une lady. Elle est une bonne épouse, Scatcherd, et qui plus est, une femme excellente. Elle est et sera toujours une de mes meilleures amies. Merci, docteur, merci. Oui, elle était une bonne femme. Elle eût mieux convenu à un homme pauvre qu'un riche, mais c'était le fait de sa naissance. Vous ne permettrez pas qu'elle soit molestée, n'est-ce pas, Thorne? Le docteur lui réitéra l'assurance que tant qu'il vivrait, Lady Scatcherd aurait toujours un véritable ami, mais en faisant cette promesse, il évita de se servir du titre malencontreux. « Vous serez avec lui autant que possible, n'est-ce pas, docteur ? » dit le malade au bout d'un quart d'heure de silence. « Avec qui ? » dit le docteur qui était presque endormi. « Avec mon pauvre garçon, avec Louis. »« Certainement, s'il veut me le permettre. » « Et quand vous le verrez porter un verre à ses lèvres, vous le lui arracherez, docteur. Dussiez-vous lui arracher les dents avec ?» Parlez-lui alors de son père, Thorne. Dites-lui ce que son père aurait pu être sans ce vice. Dites-lui que son père est mort comme une brute, parce qu'il n'a pas su résister à la boisson. Ce furent les dernières paroles de Sir Roger Scatcherd. En les prononçant, il se souleva en faisant un violent effort, comme la veille, mais au même instant, il fut frappé d'une dernière attaque de paralysie, et avant 9 heures du matin, tout était fini. « Oh, mon mari, mon pauvre mari !» s'écria la veuve, qui, dans l'excès de sa douleur, ne se rappelait que les joies des premières années de leur union. Le meilleur, le plus admirable de tous les hommes. Quelques semaines plus tard, Sir Roger fut inhumé avec pompe dans la cathédrale de Barchester, et bientôt après on lui érigea un monument où il était représenté tenant à la main un ciseau et taillant un bloc de granit, tandis que son regard d'aigle, dédaignant une occupation si humble, était fixé sur un instrument de mathématiques très compliqué placé au-dessus de lui. Si Sir Roger avait pu se voir, il aurait probablement dit qu'un ouvrier qui regarde d'un côté tandis qu'il travaille d'un autre n'est pas digne de son salaire. On procéda à l'ouverture du testament immédiatement après les funérailles, et le docteur découvrit que les clauses étaient absolument les mêmes que celles que son ami lui avait fait connaître plusieurs mois auparavant. Rien n'avait été changé. Le testament n'avait même pas été déplié depuis le jour où le défunt y avait ajouté l'étrange codicille dans lequel il déclarait que le docteur Thorne seul savait qui était l'aîné des enfants de la sœur du testateur. Cependant, un autre exécuteur testamentaire avait été nommé conjointement avec le docteur Thorne. C'était un monsieur Stock, un autre entrepreneur renommé dans le département des chemins de fer. Docteur Thorne lui-même était attribué l'humble legs d'un millier de livres sterling et à Lady Scatcherd une annuité viagère de la même somme.